Chapitre 37. Ici, l'on tue. Guise avait perdu du temps. Parti à 3 heures de son hôtel, il venait d'arriver seulement chez Coligny. Il avait fait plusieurs détours et, de temps à autre, il s'arrêtait, écoutant, paraissant attendre. Chemin faisant, pour faire patienter ses hommes, il faisait massacrer, au hasard de la rencontre, tout ce qui ne criait pas « Vive la messe !» et n'avait pas une croix blanche au chapeau. Qu'espérait-il? Qu'attendait-il? Peut-être pensait-il pouvoir marcher sur le Louvre. Comme il venait de s'arrêter encore, un homme accourut au galop de son cheval, vint se placer près de lui et lui dit à voix basse. « Rien à faire, monseigneur. Le prévôt occupe l'hôtel de ville avec des forces imposantes et les troupes de la reine sont en route. » Guise grinça des dents et gronda. « Ventre du diable! J'aurais donc tiré les marrons du feu pour ce misérable charlot! Allons, en route !» Il prit le trot. Suivi de ses cavaliers, il passa comme un tonnerre, tandis qu'autour de lui retentissaient les vociférations de « Vive Guise! Vive le pilier de l'église !» Dans la rue de Béthisy, les maisons qui avoisinaient l'hôtel étaient remplies de huguenots. Mais là, la besogne était déjà faite. 3 de ces maisons flambaient. 200 cadavres jonchaient la chaussée. Guise et ses soudards arrivèrent de leur trot pesant et, piétinant ces cadavres, s'arrêtèrent devant la porte de l'hôtel. Sur cette porte, quelqu'un venait de tracer ces mots à la craie. « Ici, l'on tue. »« Tu vois ?» dit Guise, s'adressant à un colosse qui était près de lui. « Je vois. » répondit le colosse. C'était Dianovis, appelé Bohème et, par abréviation, Bême. À ce moment arriva le duc d'Aumale, escorté de Sarlabousse, gouverneur du Havre, et de 100 cavaliers. « Est-ce fait ? » demanda Aumale. « Ça va se faire, » dit Guise. Tous descendirent de cheval, et le duc de Guise, du pommeau de son épée, frappa rudement à la porte. Elle s'ouvrit aussitôt. Cossin s'apparut, entouré de ses gardes que Charles IX avait laissés pour protéger Coligny. « Monseigneur, dit Cossin, faut-il commencer ?»« Commencer, répondit Guise. Aussitôt, les gardes mêlés aux cavaliers de Guise s'élancèrent dans l'hôtel, des torches à la main, l'épée nue. Bême, suivi d'une dizaine de gardes, monta droit à l'appartement de l'amiral. Alors, on entendit les cris des serviteurs que l'on égorgeait. Pendant quelques minutes, l'hôtel fut plein de ces étranges clameurs d'agonie qui ressemblent aux cris des fous. Puis il y eut un brusque silence. Bême et les siens, parmi lesquels un certain Hattin de la maison d'Aumale, étaient arrivés devant la chambre de l'amiral. Derrière eux, en soutien, marchait Cossens, le capitaine des gardes de Charles IX. La bande s'arrêta un instant. Devant la porte, un homme, l'épée nue à la main, les attendait. C'était Téligny, gendre de Coligny. « Qui demandez-vous » dit-il d'une voix calme. « L'Antéchrist !» répondit Bême. Téligny se rua sur lui, mais avant qu'il eût pu faire 2 pas, il tomba, percé de 10 coups de poignard. Cossin se pencha sur lui. « Il est mort !» dit-il froidement. Téligny n'était pas mort, il agonisait. Ses yeux effrayants s'ouvrirent et se fixèrent sur ce visage penché sur lui. Il fit un suprême effort. « Face de traître » râla-t-il. Et dans ce même effort, il cracha au visage du capitaine et expira. Cossin se releva et recula vivement, tout pâle, en essuyant sa face souillée. Bême, cependant, d'un coup d'épaule, avait défoncé la porte. Il entra. Coligny était au lit. La chambre était éclairée par 2 grands flambeaux. À demi relevé sur les oreillers, l'amiral apparut si calme, si majestueux, que les forcenés eurent une hésitation. Près de lui, le pasteur Merlin lisait dans un livre de prières. Coligny, qui, depuis 1 heure, écoutait l'effroyable tumulte, Coligny, qui avait compris la hideuse vérité, Coligny n'avait pas essayé de fuir. Toute tentative eût d'ailleurs été inutile. Dès les premiers instants, Caussens avait placé partout des gardes. Lorsqu'il vit entrer Bem, il se tourna légèrement vers le pasteur et lui dit d'une voix étrangement paisible « Je crois qu'il est temps de réciter la prière des morts. » Merlin fit un signe approbatif et tourna quelques feuillets de son livre. Au même moment, Hatin lui enfonça son poignard dans la gorge. Le pasteur s'affaissa sans une plainte, tué raide. Bem s'était approché en ricanant du lit de l'amiral. Il tenait une dague dans sa main gauche et un épieu de chasse dans sa main droite. « Quiconque se sert de l'épée périra par l'épée », dit gravement Coligny en regardant Hatin qui venait de foudroyer le pasteur. « Bon !» hurla Bem, « ce n'est donc pas par l'épée que tu seras meurtri !» Et il jeta son poignard. Il leva son épieu, un fort épieu de chasse au sanglier. Et comme il paraissait hésiter devant le vieillard si calme, si imposant, si majestueux, l'amiral lui dit « Frappe, bourreau, tu ne raccourcis pas de beaucoup ma vie !»« Taillot, taillot !» hurlèrent les démons qui entouraient Bem. Bem frappa. L'épieu du premier coup troua profondément la gorge. Un flot de sang jaillit. Alors le misérable, ivre de sang, se mit à frapper à coups redoublés le cadavre. Chaque coup ouvrait dans le corps une large plaie rouge. Il continuait toujours, les yeux hors de la tête, tandis que la meute autour de lui saccageait, pillait, brisait et hurlait « Taillot ! Taillot !»« Bem ! Bem !» cria d'en bas la voix de Guise. « As-tu fini ?» Bem s'acharnait. La tête ne tenait presque plus au tronc. Il poussait des rugissements sauvages. « Bem ! Bem !» appela encore Henri de Guise. « Est-ce fait ?» Sanglant, hagard, Bem s'arrêta. Sa monstrueuse figure s'apaisa par degrés, c'est-à-dire qu'elle s'illumina d'une sorte d'orgueil bestial. Il examina le cadavre hideusement déchiqueté, comme le tigre peut examiner sa proie alors qu'il est repu. Ce cadavre, alors, ce pauvre reste d'un homme loyal et bon, il le saisit à plein bras, l'arracha du lit et l'apporta près de la fenêtre dont le châssis venait de voler en éclats. « C'est fait !» hurla Bem en se penchant. Et il apparut, à la lueur des torches, dans le jour naissant, dans ce mélange informe de jour, de lumière rouge et de fumée, il apparut, le cadavre rouge dans ses bras, il apparut comme ces visions de délire qui durent jadis épouvanter les rêves de Dante. Une sauvage acclamation qui monta de la cour salua l'atroce apparition. Pendant quelques minutes, on n'entendit plus que ces étranges abois furieux d'émeutes lâchées à la minute hideuse de la curée. Les cheveux hérissés d'horreur, pétrifiés comme dans les cauchemars, le chevalier de Pardeillan et le vieux routier, parmi ces abois féroces, les hommes parvenus au déchaînement de la bête parlent comme la bête, parmi ces abois distinguèrent « Vive la messe ! Vive le pilier de l'église !» C'était pour cela que la terre se changeait en charnier et que, du ciel rouge, il pleuvait du sang. Lorsque le silence se rétablit, comme parfois les volcans se taisent, après un instant, on entendit alors une voix, la voix du noble Henri de Lorraine, duc de Guise, qui criait à Bem « C'est bien, jette-le, qu'on le reconnaisse !» Et Bem obéit. Le cadavre, avec un bruit sourd et mat, tomba sur les pavés de la cour. Guise, Aumale, Montpensier, Caussens, 20 autres se penchèrent. « C'est bien lui !» dit Guise. « Te voilà donc, Châtillon. Je savais bien qu'un jour ou l'autre, ma race mettrait son pied sur ta tête. Tiens, tiens !» Le talon se leva et se posa violemment sur le front du cadavre. À coups redoublés, ce talon frappa ce front où persistait une auguste sérénité. « Voilà !» hurla le duc de Guise. « Voilà comment travaillent les bons catholiques !»« Lâche !» siffla une voix étrange, cinglante comme un coup de cravache. Et dans l'insaisissable seconde de silence et de stupéfaction qui suivit ce cri, Pardeillan marcha au duc, l'atteignit, et sa voix continua à cravacher. « Ton père s'appelait le Balafré. Toi, tu t'appelleras le souffleté. » Sa main se leva, s'abattit toute grande sur la face de Guise. Le soufflet retentit dans le silence comme un coup de tonnerre. Guise chancela et roula à trois pas dans les bras de ses soudards. Cela avait été net, rapide, incisif, cela avait été un coup de foudre. Quels hurlements firent alors explosion! Des centaines de poignards, des centaines d'épées se levèrent, se choquèrent, des centaines de voix heurtèrent dans le tumulte leurs cris de mort. Tout tourbillonna dans la cour. Ce fut un remous de bêtes féroces, plus effroyable à voir que les remous des grandes tempêtes sur la face ravagée de l'océan. Pardaillan s'était mis en garde, résolu à mourir. Mais il n'eut pas le temps de porter le premier coup, les bras levés n'eurent pas le temps de s'abattre sur lui. Le chevalier, à l'instant précis où retentissait le soufflet, se sentit saisi par une force d'ouragan, enlevé, porté, poussé vers un trou noir qui béait. Il entra dans du noir, il entendit un choc violent et sonore. Ce trou, c'était une porte ouverte. Cette force qui avait saisi le chevalier, comme la rafale peut saisir une feuille, c'était le vieux routier qui empoignait son fils et l'emportait. Ce choc sonore, c'était une porte que le vieux lion venait de pousser du pied, à l'instant où des centaines de furieux, se gênant d'ailleurs et se bousculant l'un l'autre, allaient les happer tous les deux. Des coups énormes ébranlèrent cette porte. Il était certain qu'elle ne tiendrait pas 2 minutes. « Tu n'en feras jamais d'autre, » dit simplement le vieux routier en escaladant les marches qui se trouvaient devant lui et en entraînant son fils. Où montait-il ? Il ne savait pas. « Ce n'est pas fini, » répondit le chevalier, les dents serrées. Dans la cour, Henri de Guise était remonté à cheval et criait. « 50 hommes pour fouiller l'hôtel, que j'ai la tête de ces 2 parpaillots dans 1 heure. Les autres, suivez-moi, à Montfaucon !»